ζαγία νου. Ατσάλα λέει να φωτώ η μαμά. Άκουλα μου κάτι. Μαμό, τέτακι μου του κανόν πόγκα να κελά κελά σημαν πούτου. Πολλά λάκι με το κόμπο να γίνα μου αφιεύρε. Μου του μου βήμα. Μαμά. Formolva égyptien, mon beau, mais la loi pharaon. Et qu'au faire durer, jamais que les crayons dans mes pensées. Isolina, ilongieti, kalingalo, kula masque. Esthéticienne, mon côté, akoko, kolongo, lango. Un voulet, bakoulo, lion, saison, soukassa, et ma matoy. Incendie à départ, na yon amote, ma etro, si la nani. Un jour après ton départ, il a curieuse une alarme. La vie est très urgente, il y a pas habitant, il y a est. Balobi mon paotika, il est l'école les cabissons. Bye ma coupe à 20 millions, on y est comme si tu les lattes. Bah ma je vous à la qui wat. Bobo prévenir là, étoile y'a ma mamie, elle a déjà la fille maman. A quelqu'un qui a couru, je me rends le malais qui va la qui n'a été. Pardon maman, il y a la 5h du matin, il y a ma qui wana y'a zalio. Chaque aurore natale, la kama pata, la la qui sabana, étoile de yote pour ma mémé. Est-ce que ou peut-être la kaki a promotion. Alléluia, maman. Alléluia, maman. Alléluia, maman. Alléluia, maman. Alléluia, wapie pa imotema na ekozwa mwakimia ata na bakuyera babebe na zwa kampuni compassion ya baninga ina lokola bafani ya boxeur basukaka na bagada kasi na ringi motema ezobunda mama soki na ye baki parti moko ya opposition oyo babunaka kontre liwan mele na piri mama wapio mama wapio mama wapio. Voilà mon secours, comment on est maman, va toujours qu'on a papa, qui vous dit que la famille. Nazara toujours, moi, la papa, dit Elvis, papa, Aristote, ma qui. Inspiratrice, la maille, y'a un mot décidé, y'a un mot décidé, y'a mais à la corps, y'a là. Oui, sous cacanami, le cola, y'a un mamami. Maman, wapi, maman, ami, Thierry, on s'en va, tu es. Mais, y'a un guitare, il veut la main du ciel. Merci. Ton amour dans nos cœurs. Ton amour.